cours numéro 24. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wal'aqibatu lil-muttaqin. Wala udwana illa ala al-zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. قال الشيخ النجمي رحمه الله معنى الطاغوت الطاغوت في اللغة مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد هذا من حيث اللغة c'est le sens linguistique يقال طغى الماء أي تجاوز الحد quand l'eau de la rivière elle sort de son lit elle dépasse La limite, en langue arabe, ils disent « al-ma ». Ça vient de « mujawazatul had ». Elle dépasse les limites. Enfin, l'eau, elle a une limite. Enfin, si elle dépasse, si elle déborde, en langue arabe, on dit « tara »,« al-ma ». « Qala wa mujawazatul haq ila al-batil wa mujawazatul al-iman ila al-kufr wa ma ashbaha thalik wa kullu ta'outin fa huwa kafir bila shak ». Et le lien avec entre la langue arabe Et notre sujet fi tawhid, il est clair, il est wadih. Mujawazatul haq ila al-batil. Dépasser les limites. Exagérer. Wa al-imam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, il a un ta'rif mukhtasar jamil. Qala al-ta'ut ma tajawaza bihi al-abdu hadda min matbu'in ou matbu'in ou muta'. Dépasser les limites. On disait, le lien... Entre la définition linguistique et notre sujet tawhid, il est clair. Dépasser les limites, comme a dit Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi. Que ce soit fi al-ibada, ou fi al-ta'a, ou fi al-mahabba. On n'a pas le droit de dépasser les limites. Al-ibada, c'est haqqun lillah. Celui qui dépasse les limites, iyadan billah, il adore autre qu'Allah. Ou wahid, il appelle à se faire adorer min dounillahi azza wa jal, c'est un ta'out. قال وكل طاغوت فهو كافر بلا شك نعم شك طاغوت سان كافر لماذا لأنه كفر بالله عز وجل والطاغوت لفظ أو اسم عام فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فمن فعل ذلك فهو طاغوت والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة Il a cité la définition qu'on a citée de l'imam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayh. Tambihun, anna man ubida min dounillah, c'est un ta'out. Celui qui est adoré en dehors d'Allah, c'est un ta'out. Lakin, bihad al-qayd, avec cette précision, wa huwa radi bil-ibada. Et il accepte de se faire adorer. Ce tambih, il est muhim. لأن هناك من عبد من دون الله أو من يعبد من دون الله إلى يومنا هذا ليس بعض الطواغيت فمثلا نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام يعبد من دون الله النصارى il l'adore il prétend que c'est lui l'ilah ou il prétend que c'est lui le fils d'Allah عز وجل ولا شك أن عيسى il est contre هذا c'est un نبي c'est un رسول أما celui qui appelle à se faire adorer من دون الله هذا سنطاعوت وإلا فكم من الأنبياء كم من العلماء كم من الصحابة من الصالحين ils se font adorer من دون الله عز وجل et ils n'ont jamais accepté cela de leur vivant أبدا بل ils ont appelé au tawhid ils ont combattu le shirk لكن بعض الجهال ils les ont adorés من دون الله Donc cette précision, elle est importante. فَكُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَرَضِيَ بِالْعِبَادَ Et tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils acceptent cette adoration. Et ils appellent à se faire adorer. Et là, c'est des tawarites. وَلَا شَكْ فِي كُفْرِهِمْ عَلَى هَذَا التَّوَارِيدِ كَثِيرُونَ كَمَا قَالَ هُنَا التَّوَارِيدِ, c'est le pluriel de tawarites. Il y en a plusieurs de tawarites, beaucoup. لكن رؤوسهم خمسة. Il y a cinq têtes. fi at-tawari. Et les autres, ils suivent ces cinq catégories. Qala al-awwal, la première catégorie de ta'ut, al-shaytan, al-da'i ila ibadati ghayrillah. Al-shaytan, la shak annahu, c'est un ta'ut, bal samin ru'usihim. Il appelle et il pousse les gens à adorer autre qu'Allah Azza wa Jalla. والدليل قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. Ce verset فيه أن الشيطان يعبد. بعض الناس يزدغوا الشيطان عيادا بالله. فلهذا الله سبحانه وتعالى لا interdit à tous les êtres humains d'adorer الشيطان. Hada, c'est le premier nom, il est clair. Al-Shaytan, c'est un ta'ut min al-tawari. Et c'est un kafir billahi azza wa jal. Et yawm al-qiyama, il rentrera fin nar éternellement. Deuxième catégorie, al-thani al-hakim al-ja'ir al-mughayyir li ahkam illah. On a cité cette mas'ala vi al-nawaqid, nawaqid al-islam, ou dans d'autres passages. On apprend et on résume هنا. والدليل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا فسمى الله جل شأنه من يحكم بغير ما أنزل الله على نبيه بغير ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم طاغوتا أي ceux qui jugent par autre que les lois d'Allah. Dans ce verset, Allah سبحانه وتعالى les a appelés طاغوت. قال عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت أي إلى غير شرع الله jugés par autre que les lois d'Allah. وهذا إذا كان من يحكم بغير ما أنزل الله كافرا جائرا تقدم معنا التفصيل. فسي ان طاغوت سي سي ان كافر. Tu comprends من هذا الكلام أن c'est pas tous ceux qui jugent par autre que les lois d'Allah أنهم c'est des kafirs. Et on a déjà cité plusieurs fois les différentes catégories. Qui c'est qui les répète باختصار؟ تفضل. بغير ما أنزل الله على ماذا؟ على حكم الله. هذا ما حاله؟ كافر سان طاغوت. أي il juge par les autres que les lois d'Allah عز وجل et il pense que les ses lois et autres que celles d'Allah عز وجل elles sont meilleures. Elles sont plus profitables que les lois d'Allah سبحانه وتعالى. لا شك في كفره. هذا اسم من الطغيان. ثانيا عندما تفضل نعم أن حكم الله جل وعلا وحكم غيره سواء il est placé au même niveau, il dit c'est la même chose. Celui qui juge par les lois d'Allah, il a le droit. Celui qui juge par autre que les lois d'Allah, il a le droit. هذا كذلك سان طاغوت. Et c'est du كفر أكبر. Troisième catégorie, عندك لكن بالنسبة لحكم غيره ماذا يعتقد؟ من يحكم بغير ما أنزل الله هو يعتقد أن حكم الله أفضل ولكن حكم غير الله جائز. أحسن. أي il sait que les lois d'Allah c'est mieux, c'est meilleur, لكن il pense que juger par autre que les lois d'Allah c'est permis. Dans ce cas, il dit que les lois d'Allah c'est meilleur, لكن il dit que juger par autre c'est permis, et ça c'est du kufr. L'anna c'est rendre halal une chose que Allah il a haram. Juger par autre que les lois d'Allah c'est haram, bil-ittifaq. Et on a cité le verset, il y en a beaucoup d'autres. Hada kadhalik c'est un kafir billahi azza wa jal. Al-qism al-rabi' tfaddal. Alladhi yaqumu bi hukmi bi ghayrillah wa lakin ya'lamu anna hukmu Allah afdal wa أن يحكم بحكم بغير الله حرام. نعم، فيحكم بغير ما أنزل الله لكن il sait que c'est haram il sait que les lois d'Allah c'est le haq لكن il juge par autre que les lois d'Allah les hawa في نفسه ou des pressions une faiblesse هذا ça reste un muslim malgré sa faiblesse لكن ce jugement il est très grave de juger par autre que les lois d'Allah لكن est-ce qu'il sort de l'islam et c'est un tarot فلا Ces quatre catégories, elles sont importantes. On doit les comprendre et maîtriser ce sujet. Il est important. Enfin, cette quatrième catégorie, c'est pas un tarot. فَلِهَذَا قَالَ الشَّيْخُ نَجْمِ مَنْ يَحْكُمْ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ كَافِرًا جَائِرًا Ici, il fait partie d'une des trois catégories. Il y en a où c'est un kafir. Il pense que les autres que les lois d'Allah, c'est mieux. Ou c'est la même chose. Ou c'est permis. فَفِيَهَذَا الْحَالِ C'est un kafir. Amma la quatrième catégorie, أنه Il sait que c'est haram, lakin il juge par autre que les lois d'Allah. Et il sait que c'est haq les lois d'Allah, lakin il a une faiblesse, il a akhiré. Fahada, ça reste un musulman malgré cette kabira. C'est un très grand péché, lakin ça ne le fait pas sortir de l'islam. Wala'alla, il va citer hada. Qala ka'an yakun waqi'an fil naqid al-rabi' min nawaqid al-islam. Qala fil hashiya, wa huwa man i'taqada anna ghayr hadi nabi sallallahu alayhi wa sallam akmal min hadiya. On l'a cité, on avait détaillé les catégories qu'on vient de citer dans le quatrième annulatif. Et penser qu'il y a des lois mieux que les lois d'Allah, ou une voie mieux que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça annule l'islam de cette personne qui a cette conviction. قال أو غيره من النواقض والمكفرات المخرجة من الملة فهذا يسمى طاغوتا بل رأسا من رؤوسهم. Naam, la deuxième catégorie, juger par autre que les lois d'Allah avec les détails qu'on a cités. Et on avait lu les paroles des savants fi hadha al-bab wa lillahi al-hamd. Qala amma at-tabi' wa at-ta'i' liman hakama bighayri ma anzala Allah alladhi yuhillu ma harrama Allah wa yuharrimu ma ahalla Allah la yakhlu min halayn. Amma celui qui suit. Lianna al-an, celui qui fait la chose, c'est un tarout. Il appelle à se faire adorer, ou il juge par autre que les lois d'Allah avec cette croyance qu'on a citée. C'est un tarout, c'est un kafir. Amma l'an, les suiveurs. Cheikh Najmi, rahmatullah alayhi, il a cité deux cas. Ay, ceux qui obéissent à Ha'oula, qui les suivent. Qala al-halatul oula, première catégorie, premier cas. An yuti'uhum. في ذلك مع علمهم بتبديلهم لحكم الله ومخالفتهم للرسول أو للرسل عليهم السلام فيعتقدون مع ذلك تحريم ما أحل الله والتحليل ما حرم الله اتباعا لرؤوسهم فهذه الحالة كفر مخرج من الملة نعم يطيعوهم الغبيس ils savent très bien que ce tarot il change les lois d'Allah ou Il rend halal une chose que Allah il a haram. Ou il rend haram une chose que Allah il a rendu licite. Halal. Fahada kadalik c'est un kafir. Limada li annahu il le suit et il sait très bien qu'il est à la kufr. Fa, il a le même jugement que cette personne qu'il suit. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas. Al-halatu thaniya. An yuti'uhum. Fidhalik ma'a'tiqadihim tahrim ma haram Allah wa tahlil ma ahal Allah. لكن طاعتهم كانت عن هوى وعصيان كما يصنعه كثير من أهل الفسق حينما يؤذن لهم بشرب الخمر فلا يعاقبون عليه نعم دوزيام كاتيغوري يزوبيس يسويف هؤلاء الطواغيت لكن sa conviction هو c'est تحريم الحرام il sait très bien maintenant que l'alcool c'est interdit Il sait très bien que zina c'est interdit et il rend pas halal. Mais celui qui rend halal une chose que Allah il a haram, taqaddam ma'ana fi nawaqid al-islam annahu c'est du kufr akbar, ça fait sortir de l'islam. Haoula ils savent très bien que c'est haram, ils disent pas que zina et l'alcool c'est halal mathalan. Lakin ils suivent cette fatwa ou ce guide ou ce prêcheur, ils le suivent pourquoi? Limala lil hawa. Ay parce qu'ils suivent leur passion, ils ont des faiblesses. Et ils veulent faire ce haram, ils n'arrivent pas à patienter. Wa illa fa leur aqida, c'est pas une aqida kufriya. Lakin al-amal, c'est une ma'siya. Ou là, ils sont dans le péché comme jami' al-usa, ceux qui font des péchés. Aqida tahle sunnah, on ne les fait pas sortir de l'islam tant qu'ils n'ont pas annulé leur islam avec un naqid min al-nawaqid, avec un annulatif qu'on a étudié ensemble, walillahi alhamd, dans cette risale. قَالَ فَلَا يُعَاقَبُونَ عَلَيْهِ وَحِينَمَا يُؤْذَن لَهُمْ بِأَكْلِ الرِّبَى أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً كَذَلِكَ فَيَشْرُبُونَ الْخَمْرَ رَغْبَةً فِي الْمُتْعَةِ وَيَأْكُلُونَ الرِّبَى طَمْعًا فِي الْمَالِ مَعَ اعْتِرَافِهِمْ بِذُنُوبِهِمْ كَمَا هُوَ حَالُ كَثِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي هَذَا الْوَقْتِ. مثلا يتوش à l'usure, à riba. Il boit de l'alcool, il fait zina, lakin au fond de lui, il sait que c'est une ma'asiya. Même si tu lui demandes, il sait أنه il est en tort. هذا كما قال سي حال الكثير للأسف à notre époque beaucoup de gens ils font ces ma'asi et ces kaba'ir lakin on ne les fait pas sortir de l'islam. عقيدة أهل السنة أنهم ça reste des muslimin, tant que c'est un muslim ça reste un muslim et sa foi elle est faible et il a fait ce péché. والله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال فهؤلاء حكمهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب والمعاصي. هؤلاء ces suiveurs ils ont le même jugement que tous ceux qui font des péchés tant que c'est pas du shirk, du kufr, un annulatif de l'islam. فعقيدة أهل السنة est connue عند الجميع ولله الحمد. On a déjà traité ce sujet كثيرا. قال وهذا القسم من الشرك شرك الطاعة الذي تقدم معنا. تذكرون هذا شرك الطاعة. Et on avait cité كذلك les أقسام كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. Et c'est ce qu'on vient de résumer هنا. ربما يقع مع العالم الذي لا ينفعه علمه فيتبع هواه فيطيع غيره من حاكم أوال في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله طمعا في جاه أو متاع أو سلطان ورئاسة عياذا بالله. Il a du علم. Et il sait que c'est haram, lakin il suit ce wali, ce gouverneur ou autre fait le haram. Tout ça pourquoi? Imma les khawf, imma kama qal huna tam'a. Il espère de l'argent. Il ne veut pas contredire un tel. Il reçoit de l'argent. Et s'il les contredit, il lui donne plus cet argent. C'est une fitna. L'insan yahdhar. الإنسان يحذر دائما يقف مع الحق ويصبر ويثبت على ذلك لأن الوقوف مع الحق سيدمند الصبر. فالشيطان يحارب أهل الحق وكذلك الكفرة وكذلك أهل الأهواء والجهال يكمبت أهل الحق فالإنسان يصبر. والله سبحانه وتعالى يقول قل متاع الدنيا قليل. طوس كيف الدنيا قليل. أما désobéir à الله سبحانه وتعالى c'est très grave. Un péché l'emmène un autre si l'insan il fait pas attention, s'il se maîtrise pas. والهوى au début الشيطان il te pousse à faire ce péché et s'il peut t'égarer complètement, te faire sortir de l'islam, il fera tout عدو الله pour te faire sortir de l'islam. فالحذر الانسان il prend pas ce sujet à la légère. ويقول c'est pas grave, c'est de ma'asi, tant que c'est pas du kufr je reste un musulman. ما تدري ما تدري sur quoi tu vas mourir. لأن ces péchés font descendre la foi. والإنسان إذا ضعف إيمانه ربما il peut faire une chose qui lui fait beaucoup de mal à son دين. فكم من الناس ils ont fait des ma'asi, des péchés حتى ils ont fait une chose ça les fait sortir de l'islam عياذا بالله. أي un annulatif parmi les annulatifs. لماذا لأن la foi elle faiblit, ils font pas attention et ils suivent الشيطان عياذا بالله. قال الشيخ رحمه الله قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن ترك ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله والسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتدا كافرا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. أي نعم فالإنسان يحذر ويصبر. قال الله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأبير أترك الله في المعصية لا يجوز. على التفصيل السابق celui qui obéit lakin il sait que c'est haram c'est asi. Celui qui obéit et il sait que le hukm il a changé iyadun billah et il lui obéit lianahu il a changé il a cette aqida il est ala khatar kabir. والله سبحانه وتعالى قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. On doit suivre le kitab ou le sunna. Ama les gouverneurs, les savants, nos parents. Haoulé, on les suit fait ta'atillah. لأن الطاعة في المعروف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا سفرسي هنا الإنسان اللي مأمور باتباع الكتاب والسنة. مثلا les gouverneurs on leur obéit في طاعة الله أما في معصية الله فلا. Et on patiente. Et on les conseille si on peut et on fait du'a. هكذا nos parents on leur obéit في طاعة الله أما في المعصية فلا. لماذا؟ لأن obéir في المعصية c'est désobéir à Allah سبحانه وتعالى. On n'a pas le droit de désobéir à Allah عز وجل poursuivre un مخلوق. ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما علمه من شرع الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره كان مستحقا للعذاب بل عليه أن يصبر وإن أوذي في الله. نعم خاصة العالم celui que sa parole elle est écoutée أنه سلوبي في هذا الحال il dit cette chose elle est haram alors qu'elle est halal ou l'axe c'est très très grave il y en a les gens ils vont prendre un et ils vont s'égarer il doit patienter et il montre le haq et l'histoire de l'imam Ahmed fiha fawaid wa ibar annahu quand le gouverneur il lui a ordonné de dire anna le Coran il est makhlouq c'est une aqida kufriya c'est du kufr anna le Coran c'est pas la parole d'Allah il est créé c'est une créature fa l'imam Ahmed sabr. Il a été fouetté, il a été torturé, il a été emprisonné, rahmatullah alayhi wa sabra. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a élevé. Hatta luqiba bi imam ahli sunnah wal jama'a rahmatullah alayhi. Pourquoi? Li'annahu il a patienté. Et alhamdulillah, la fitna qu'il a subie, l'épreuve qu'il a subie, elle est passée. Et l'an, l'imam Ahmed rahmatullah alayhi, il est ma'rouf inda al-jami'a. Inda jami'a al-muslimin, annahu c'est un imam fi sunnah. بل بعض العلماء يختبرون ويمتحنون الشخص بالإمام أحمد. celui qui aime l'imam Ahmed, inshallah il est à la khair. celui qui le déteste, il est à la shar. لماذا؟ لأنه il a défendu دين الله سبحانه وتعالى. قال بل عليه أن يصبر وإن أوذي في الله فهذه سنة الله في الأنبياء وأتباعهم. وهكذا plus الإنسان يستكشف الحق plus الإنسان il suit al-kitab et al-sunnah, plus il risque d'être éprouvé. لماذا؟ كما قال هنا سنة الله في الأنبياء وأتباعهم. Allah subhanahu wa ta'ala يبتلي الأشخاص ابتلاء. إذا أحب الله قوما ابتلاهم. Si Allah il aime un قوم une personne, يبتليه il l'éprouve. لماذا؟ Pour l'élever. لأن peut-être que ce شخص il a eu des faiblesses, il a eu des péchés. Peut-être qu'il n'a pas fait assez de a'mal pour être élevé. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui veut du khayr, il l'éprouve. لأن Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas cette dunya. Cette dunya, elle est mal'ouna. فلهذا, il l'éprouve. أما الآخرة, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime الآخرة. Il élèvera هذا الشخص dans cette demeure qu'il aime. On conclut de tout cela, أن الدunya, ce n'est pas un mizan. Hey, celui qui a une bonne place fi dunya, il n'est pas forcément aimé indallah. Celui qui a une mauvaise place fi dunya, il n'est pas forcément détesté. Là, ta'ammal ma hassala lil anbiya, que ce soit Ibrahim, alayhi salatu salam, ils l'ont jeté dans le feu. Que ce soit Moussa, ils ont essayé de le tuer. Et ils l'ont chassé de sa terre, ou de Misr. Wa hakadha notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a été chassé de Mecca et ils ont voulu lui faire du mal. لماذا لأن هذه الدنيا عند الله سبحانه وتعالى لا pas de valeur. Allah سبحانه وتعالى il éprouve ses ibad et si patient Allah سبحانه وتعالى il leur donnera quelque chose de meilleur أي الجنة. على كل حال celui qui suit le prophète صلى الله عليه وسلم et qui fait des efforts فليصبر et patiente et si il est éprouvé فليعلم أن في الحقيقة علامة من علامة الخير. C'est un bon signe pour lui. أن الله سبحانه وتعالى lui veut du bien. اصبر فقط. الله سبحانه وتعالى يتلفظ. واعلم أن المحن لا تدوم. Les محن, les فتن, ça reste pas. تأمل ما حصل للإمام أحمد رحمة الله عليه. Il a été éprouvé un an, deux ans, trois ans. الحمد لله. La fitna s'est arrêtée, il est sorti de prison et il était à la khayr, c'est devenu la référence à son époque. Rahmatullah alayhi wa radiyallahu anhu. Hakada anta akhil karim, si t'es prouvé que ça soit par une maladie, que ça soit par ahl al fitani wa shur ou al ahwa, que ça soit par ahl al kuf, que ça soit par des foussards, que ça soit par des proches, patients, les fitanes ça dure pas, ça s'arrêtera aujourd'hui, demain ou le jour où tu mourras, et al-akhiratu khayrun wa abqa, celui qui est patient, al-akhira na'am, ça dure, c'est éternel. Alihada ahlun nar, ce azab qu'ils vont recevoir, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-salama wa al-aviya, leur patience ça ne servira à rien. L'imada liana ça ne s'arrête plus. قال عز وجل اصبروا او لا تصبروا, patientez ou ne patientez pas, c'est la même chose. Amma fi dunya la, alhamdulillah ça s'arrête. Falihada, quand tu es prouvé akhil karim, pense toujours anna ça s'arrêtera, c'est pas aujourd'hui, ça sera demain, ça sera la semaine prochaine, dans un mois, alhamdulillah ça s'arrêtera. Amma fil akhira hal al kuffar, il va être très très difficile. Limada liana ça s'arrête plus. Patienter, ça ne sert à rien. Attendre la fin, ça ne sert à rien. Espérer, ça ne sert à rien. Cette situation, elle est critique, c'est un adab. Ma balouk, avec tout ça, jahannam, wa nar, les châtiments, il a akhir. Qala, rahmatullah alayhi, qala Allah ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, alif lam mim, hasiban nasu an yutraku, an yakulu, amanna, wa hum la yuftanun. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أتأمل هذه الآية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Est-ce que les gens ils pensent que ils vont dire je crois, je suis un musulman, il a agréé et il ne sera pas éprouvé? Allah il l'éprouvera pour différencier le menteur de celui qui est sincère, celui qui patiente, celui qui patiente pas. والله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء. لكن سيبورتي بروفي انت. قال الى اخره, انتهى من مجموع الفتاوى المجلد 35. انتهى كلام شيخ الاسلام, كلام جميل. نعم, هذا ست القسم الثاني, الحاكم الجائر المغير لاحكام الله, celui qui change les lois d'Allah عز وجل, عياذ بالله, avec le tafsir qu'on a cité. قال الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله, والدليل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون, وهو الذي يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا عدم صلاحية حكم الإسلام أو أنه يجيز الحكم بغيره. نعم, ونحن استعجلنا et on a expliqué tout cela dans la deuxième catégorie et هنا il l'a cité dans la troisième. نعم, ça ressemble. Le deuxième, c'est celui qui change, et le troisième, c'est celui qui juge par autre que les lois d'Allah. Quatrième catégorie, celui qui pense que un tel min al-makhlouqin, il connaît l'invisible. Hada c'est un tarout. Limada? Lianna ilm al-ghayb, c'est min khasa'is Allah, hada al-ilm. Personne connaît l'invisible, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. فقال جل من قائل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون وما يشعرون أيان يبعثون. الشاهد قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Personne ne connaît l'invisible sauf Allah. وقال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقال سبحانه عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فالسلوي كي prétend connaître l'invisible عياذا بالله c'est un طاغوت, كما هو حال الكهان السحرة الشياطين, أنه prétend connaître l'invisible. هؤلاء c'est des طواغيت, c'est des كفرة. الخامس, cinquième catégorie, الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة. Celui qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il est radi, et il est satisfait, il accepte هذا. والدليل قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. الشاهد ومن يقل منهم إني إله, والإله c'est le معبود, c'est le مألوه. الإله c'est celui qui mérite d'être adoré. Et nous, en tant que musulmans, nous croyons que l'Ilah, il est un, c'est Allah. قال ولقد عدد هذه الطواغيت غير واحد من السلف كابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم رحمهم الله نعم ومن أحسن من تكلم في هذه المسألة مسألة الطاغوت الإمام ابن القيم رحمة الله عليه فقال رحمه الله أي ابن القيم والطواغيت كثيرون ولكن رؤوسهم خمسة وتقدمت إلى ذات شيخ الإسلام on a lu sa parole. Wahia Iblis, la'anahu Allah, fa'innahu ra'su at-tawaghit. Le premier donc Iblis. Le deuxième, al-thani man 'ubida min dunillah wa huwa radin bidhalik. Al-thalith, donc le deuxième, celui qui est adoré en dehors d'Allah, il accepte. Al-thalith man idda'a shay'an min 'ilm al-ghayb. Le troisième, celui qui prétend connaître l'invisible. Al-rabi' man da'a an-nas ila 'ibadati nafsihi. Celui qui appelle les gens à l'adorer. Amma le deuxième, même si ce n'est pas lui qui est appelé, lakin il sait qu'il se fait adorer et il est satisfait, il est d'accord. Il ne les met pas en garde. Il ne leur interdit pas. Là, il les laisse. Il est content, c'est ce qu'il voulait. C'est un tarot, c'est un kafir. La quatrième catégorie, celui qui appelle à se faire adorer, même s'il n'est pas adoré, même si personne ne le suit, personne ne l'adore, lakin le fait qu'il appelle, il appelle à du kufr et à du shirk face à un tarot. وهذا كما يفعل بعض أصحاب الأهواء من الرافضة وأصحاب الطرق الصوفية وغيرهم الذين يسيطرون على كثير من المغفلين من الناس زنادقة كالروافض أو غلاة الصوفية أنهم يزبل لجان لزاتوري مشايخهم أئمتهم certains يزبل clairement à se faire adorer من دون الله هؤلاء سد طواغي. Même s'ils prétendent que c'est des muslimines, que c'est des salihin, s'ils appellent les gens à cette adoration, à les adorer, c'est des kafaras, c'est des tawarit. Wa ma aktharuhum fi ar-rawafid wa ghulat as-sufiyya. Wa ma aktharuhum hadahum Allah ila at-tawhid wa as-sunnah. Fahum ay ashab al-ahwa wa at-turuq. At-turuq, si on traduit mot à mot, c'est at-tariq, c'est la route. وَالطُرُقْ طُرُقْ الصوفية يترجم par les confréries تيجانية ومرغانية وقادرية ils ont beaucoup de طرق beaucoup de confréries عياد بالله et on détaillera هذا إن شاء الله تعالى dans notre série de cours sur les sectes quand on fera cette secte الصوفية يجعلون لأنفسهم شيئا من خصائص الربوبية ومقام الألوهية في أنهم يزعمون لأنفسهم أنهم ينفعون ويضرون عيادا بالله. Et tu trouves بعض المغفلين كما سماهم هنا. Tu trouves certains من الضعفاء النفوس يصدقون. Ils pensent qu'ils ont raison. أن le شيخ un tel il a la baraka et il peut faire telle chose et c'est un wali عيادا بالله. النفع والضر c'est بيد الله سبحانه وتعالى. Allah il guide qui veut, il égare qui veut, il guérit qui veut, il donne à qui veut, il enlève à qui veut. L'i'tiqad anna hadha shaykh ou cette personne, elle peut faire cette chose, c'est le kufr billahi azza wa jalla. Même si c'est huwa qui appelle, s'il appelle c'est un tarout, fala yajouz que les muslimin ils atteignent ce niveau min as-safaha wa yusaddiqoun haula. Wa anna ladayhim taqatan ta'thiriyya fi al-akharin. Et anahum, ils ont une qudra de faire changer les choses. Wa fil kawn, iyadan billah. Hatta fil kawn. Le kawn, c'est l'univers. Qu'est-ce que son wa'if, il peut changer fil kawn? Il peut rien faire. Kama qala azza wa jal, ma yamlikuna min qitmir, comme on a vu dans le dars précédent. Une petite chose, il ne la possède pas. Le kawn, shams, wal qamar, les étoiles, les cieux. Enfin, celui qui gère, qui a le qudra. Et il est à la kulli shay'in qadir, c'est Rabbuna, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi tasrif al-umur wa annahum wa yastaghilluna al-ibad wa yata'arrasuna 'alayhim bil-batil wa yaz'umuna anna min mahabbatihim wa ta'zimihim du'a'uhum wa al-istighathatu bihim wa al-istinjadu bihim ahya'an kanu aw ba'da mawtihim wa hadhihi da'watun ila al-shirk sariha. C'est du shirk clair. Nahum, ils appellent Ha'ula al-Masakin à les adorer. Nahum, s'ils aiment Al-Awliya, ils doivent être reconnaissants envers ce shir et ne pas l'oublier de son vivant et après sa mort. Et Iyadam Billah, ils égorgent pour eux. Ils font tawaf, ils visitent leur tombe, ziyara shirkiya, et ils s'égarent. Dhalalan ba'ida. Fad-du'a, comme dans le hadith, al-sahih, huwa al-ibada. الدعاء هو العبادة والاستغاثة عبادة كذلك الدعاء الاستغاثة نوع من العبادة demander à Allah subhanahu wa ta'ala طلب الغوث أي que Allah subhanahu wa ta'ala il te débarrasse d'un char c'est un دعاء tout ça c'est من حق الله عز وجل on n'a pas le droit d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ولا يجوز ولا ينبغي صرف أي عبادة من العبادات الظاهرة والباطنة إلا لله ولكنهم يسمونها كذبا وزورا تعظيما للصالحين ومن الاعتراف بفضل الأولياء ومن موالاتهم ومحبتهم وهي في الحقيقة والواقع من أنواع الشرك الأكبر وذرائعه صحيح أنهم يزابل هذا توسل وشفاعة أو يزابل هذا لغسبد الأولياء والصالحين فلهذا أهل السنة أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا ذبل الوهابية أو متشددون. Pourquoi? لأنهم يسكر de ce الشرك. Et pour eux, les sunnis ils respectent pas l'awliya. Respecter l'awli, si c'est vraiment un wali, c'est pas en l'adorant. عياذا بالله. Là, si tu le respectes, tu l'aimes de son vivant et tu t'entraides معه في طاعة الله. Et après sa mort, il a un حق. أن Il doit être lavé, on l'enterre dans un cimetière musulman, on fait salat pour lui, on fait du'a pour lui, et ça s'arrête. Voilà. Amma, dépasser les limites et demander à ce mort une chose, hada c'est menant pour rien. Allez, hada, Cheikh Najmi rahmatullah alayhi, il cite hada le kalam fi bab at-ta'ut. Et ceux qui appellent à hada, c'est des ta'urites. Bel innahum za'amu anna tark dhalik al-shirk min al-jafa wal-bourd lahum. Et ils accusent. Ceux qui mettent en garde contre le shirk de wahhabi ou de irhabi ou de mutashaddid et tout ça, ça fait aucun mal walillahi alhamd ça leur fait du mal à eux mais celui qui a l'alhaq fait les accusations de ahl al-batil ça fait aucun mal et ça doit te faire aucun mal akhi al-karim ça ne change rien لأن Allah subhanahu wa ta'ala يعلم ما في القلوب et Allah subhanahu wa ta'ala il connaît le hal de chacun on n'a pas besoin nahnu, de leur tazkiya à haoula Et leur jarh, en fait, alhamdulillah, c'est un bon signe. Anna ahl al-bid'a, wa al-shirk, wa al-zandaqa, ils te critiquent. C'est un bon signe. Ça serait grave si Haoula, ils parlent en bien de nous. Lianahum, ils sont à la char. Lakin, vu que, walillahi alhamd, al-sunni, il n'est pas commun, ils le critiquent, c'est, alhamdulillah, c'est une bouchra. Wa hadha min talbis iblis alayhim wa ala atba'ihim, wa huwa mawjoudun fi kutubihim, na'oudhu billah min al-shirk, wa min al-ghuluf fi al-salihim. Et fi kutubihim ajaib. On avait cité certains fi al-qa'id arba' qu'on avait fait à l'époque. Annahum, ils ont du kufr. Sarih. Wallahi, ba'duhum, ils ont du kufr. Akthar min al-yahoud wa al-nasara. Min zanadiqat al-rawafid wa ghulat al-soufiya. Anna, des choses, ça rentre pas fi l'aql. Wallahi, hatta un kafir, il rejette cette chose. Tellement que c'est ba'id. Ça contredit les textes wa l'aql. والإمام ابن الجوزي رحمة الله عليه في كتابه النافع تلبيس إبليس إلى سيتي beaucoup de خير في هذا الباب ساكم نوع من حكم بغير ما أنزل الله on l'a cité واعلم أن الإنسان لا يصير مؤمنا بالله إلا إذا كفر بالطاغوت الشيخ نجمي رحمه الله il conclut son شرح avec ce tambih qu'on a fait souvent et qu'il a fait رحمة الله عليه Pour que ça soit un mu'min, il faut deux choses. Al-iman billah, il croit en Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, tout ce qui vient min al-iman, ayarkan al-iman, c'est croire en Allah, croire au messager, au livre, il a akhir. Et al-kufru bil-tawagut, détester haoula tawagut, et avoir la conviction que ce sont à la batil et les détester billah. C'est ça l'iman billah, azza wa jal. Amma al-ba'd. ربما il se prétend mu'min et il déteste pas haoula tawagut bal il pense qu'ils sont à la haq alors que Allah azza wa jalla قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله سبحانه وتعالى إلى صدق الإيمان الذين آمنوا et il y a une condition ولم يلبسوا إيمانهم بظلم والمراد بالظلم هنا الشرك أي سيد مؤمنون موحدون et ils s'écartent du shirk أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هؤلاء ils sont à la هدى. Ils sont sur la vérité. Enfin, obligés d'avoir ces deux points. Ithbat wa nafi. Nafi wa ithbat. Al-amal bit tawhid wa al-bu'd min al-shirk. Et c'est ça, ma'na la ilaha illallah. Et la ma'bouda haqqun illallah. Et l'aqida, on a tous ceux qui sont adorés min dounillah. Fait cette adoration, elle est batila. Thumma, cette chose qui est adorée, si elle accepte cette adoration, c'est un tarout. Si elle n'accepte pas, elle est chez Allah. Il y a des savants qui sont adorés, des compagnons qui sont adorés, des prophètes qui sont adorés. Après leur mort, enfin, celui qui a la chute, c'est celui qui adore. Un mal adoré, le prophète Isa, il n'a rien à voir avec ha'oula. Wa tabarra'a wa sayatabarra'a minhum yawm al-qiyam. Wa qala subhanahu wa ta'ala la ikraha fi d-din. Qad tabayyana ar-rujdu min al-ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قال الشيخ رحمه الله الرشد الإيمان بالله وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه. قول الله عز وجل قد تبين الرشد من الغي. الرشد سي الإيمان سي الإسلام تسرج la religion de notre prophète محمد صلى الله عليه وسلم. Al-ghay, il y a une différence entre rujd ou al-ghay. Qad tabayyana ar-rujd min al-ghay. Avec la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la révélation du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a distingué entre l'iman et le kufr. Les choses, elles sont claires, walillahi alhamd. Al-ghay, c'est le kufru billah, wa huwa dinu abi jahl, wa man naja, wa man naha nahwa. Naam, c'est le kufru wa shirk. Le contraire de l'islam. La religion de Abu Jahl, ayyadan billah, et de tous les kafars. قال والعروة الوثقى والعروة الوثقى أي قول الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. Ces deux points qu'on a cités, Allah subhanahu wa ta'ala, il les a cités dans le Coran. فمن يكفر بالطاغوت. Première chose, le kufr بالطاغوت. Et c'est ça l'explication de la ilaha. Le kufr بالطاغوت. Et personne ne mérite d'être adoré, sauf Allah. فالعروة الوثقى لا إله إلا الله pour qu'elle soit صحيحة وتنفع المؤمن بإذن الله عز وجل لا بد de ces deux choses, كفر بالطاغوت وإيمان بالله. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et avoir la conviction que tout ce qui est adoré من دون الله عز وجل il est adoré بباطل et on s'écarte du shirk. قال شهادة أن لا إله إلا الله وهي متضمنة للنفي والإثبات تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. Et c'était nos premiers durus ولله الحمد كذلك في نواقض أو في شروط لا إله إلا الله le premier, la première condition العلم. On avait détaillé المعنى et avec ces deux piliers نفي une négation et personne ne mérite d'être adoré وإثبات une affirmation أن cette adoration c'est que pour Allah. حق لله عز وجل وحده. قال والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكره تطيب الحياة. وهنا انتهينا من شرح الواجبات المتحتمات والصلاة والسلام على نبينا محمد على نبينا وحبيبنا محمد خير البريات أي المخلوقات. الباري هو الخالق فالبريات المخلوقات. اي نعم فشرح ممتاز وجميل ومختصر ومفيد de ce grand savant qui est mort il y a quelques années العلامة مفتي جنوب الجزيرة رحمة الله عليه الشيخ أحمد بن يحيى النجمي واستفدنا ريفيزي هذه الرسالة elle est très très importante ريفيزي là خاصة لشروط شروط لا إله إلا الله نواقض الإسلام معنى لا إله إلا الله les différentes catégories de kufr et de nifaq les deux règles qu'il a citées tout au début à cette risala, elle est muhimma. Inch'Allah, on continue à faire des efforts fait hadal bab. Al-Muslim, wa talib al-ilm, bil akhas la yamal min durus tawhid. On ne doit jamais être, on n'a plus besoin de tawhid. Al-malal. Al-malal, c'est, t'en as assez. Na'oudou billah. Nuh, alayhi salatu wassalam, comme la yakhfa ala al-jami, annahu, il est resté al-fa'am, illa 50, 950 ans, wa huwa yad'u qawmahu ila hada al-tawhid. On fait des efforts, que ce soit min bab al-ta'lim, que ce soit min bab al-da'wa. Comme min al-nas l'an, wa alil asaf, à notre époque, annahum rubbama yfidu shirk wa la yadri. Rubbama ha'ula al-tawagit, yal'abouna bidineh wa bimaleh. Ils profitent de son argent, ils le font perdre son din. On doit répondre à Ha'oula, mettre en garde à Ha'oula. Eux, ils propagent shirk, nous, on propage At-Tawhid. Hakada sera da'iman depuis l'époque de Nuh, alayhi salatu wa salam, ila an yasha Allah. Sera'un entre Tawhid ou shirk, du'at Tawhid ou du'at shirk. Et plus eux, ils sont motivés, wa ta'lamouna annahum, ils sont motivés, du'at shirk. Ils appellent à adorer les tombes, ils font beaucoup de sacrifices, fa. Hum, s'ils font des efforts, fa nahnu kadalik. عندنا نشاط أهل الأهواء والشرك فيجب على دعاة التوحيد وعلى الموحدين النشاط في الدعوة إلى التوحيد que ça soit à tes proches que ça soit à tes amis à toi-même t'apprends et هكذا الله سبحانه وتعالى nous a créé que pour هذا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي وحدون ليوحدون pour rien d'autre tout le reste ça suit cette base adorer Allah seul. On continue à faire des efforts, réviser هذه الرسالة et كذلك écouter شروحات العلماء. Beaucoup de savants ils expliquent cette رسالة. Alhamdulillah. Et samedi, notre dars en langue arabe, je vous dirai les livres qu'on fera ensemble, les prochains livres. On essaiera de faire deux dars, le mardi et le jeudi. Voilà, on changera l'heure. Ça, c'est le dernier dars fil wajibat. Et c'est le dernier dars après l'Isha. Il y en a l'un avec le changement d'heure qui arrive et kadalik. Les journées, elles sont plus longues. Enfin, l'Isha commence à être tard. Enfin, on va changer. Comme l'année dernière, comme tous les ans. On revient après l'Asr. Et on essaiera de faire deux. Comme on faisait à l'époque, deux cours. On fera un cours, inshallah, d'une demi-heure à 45 minutes, et on enchaînera avec un deuxième. Enfin, je vous donnerai le titre des deux rasa'il, et on propagera kadalik pour les frères qui nous écoutent, et on propagera les rasa'il pour celui qui veut les imprimer. On conseille nos frères qu'ils écoutent, annahum yashtahidoun, comme s'ils étaient avec le jama'a, huna. Annahum, ils impriment le livre, annahum, ils prennent des notes, annahum, ils révisent. C'est un khir azim. Et c'est min bab al-ta'awun, c'est une entraide entre nous. Fahada. On propagera les deux livres, inshallah, et samedi, hatta, si vous voulez les imprimer ou si vous les achetez. Wallahu musta'an.